Fadjet, presque ensemble. Ensemble. Allez, bienvenue sur Fadjet. Nous sommes le 27 mars, c'est Fadjet, presque ensemble. On va vous rappeler quand même le concept, pourquoi presque ensemble, parce que depuis cette pandémie, on a décidé d'organiser un concept particulier d'émission, mes chers auditeurs, une émission à distance, enfin presque. Aurélie et moi-même sommes dans les studios et la dizaine de chroniqueurs qui vont faire partie de cette émission sont à distance. Bon début de week-end. Bonjour à toi Aurélie, comment vas-tu ? Bonjour François, bonjour à tous, très bien, ce samedi matin, 8h30. C'est un peu tôt. Oui, mais bon, pour la bonne cause. Oui, c'est pour la bonne cause. On a beaucoup, beaucoup de gens et on a pas mal de contenu ce matin. On va avoir une belle heure et demie d'émission ce samedi matin sur Fadjet avec effectivement plein de monde, plein de chroniqueurs depuis chez eux qui vont nous parler de plein de choses. Vraiment, on va avoir les expressions françaises, on va parler de Pâques, des fails Zoom, on aura un blind test. La charcuterie. On va parler de charcuterie et on va ouvrir avec ça parce qu'à 8h30 c'est tout à fait approprié. On parlera également de patrimoine, on aura un petit cours de français depuis les États-Unis. On parlera d'une web-série Le Visiteur du Futur et également comment se prémunir d'une arnaque courante. Mais voilà, c'est le programme sur l'heure et demie, il va falloir rester avec nous jusqu'à 10h. Voilà, c'est bien, tu suis bien. Bon week-end à tous. Ensemble. Fadjet, presque ensemble. Alors, on commence avec qui ? Alors, on va quand même dire bonjour à ceux qui sont là avec nous. Oui, alors on fait un petit tour de table. On a donné le programme. On fait un petit tour de caméra. Un petit tour d'écran avec nous. Aujourd'hui, je commence par le premier que je vois. Salut Pierre. Bonjour. Tu vas bien ? Ça va bien et toi ? Très bien. Pierre, que vous pouvez retrouver également dans l'effet miroir avec Valentin qui nous rejoindra un peu plus tard. Et Pierre, tu vas nous parler, toi, d'arnaque et comment se prémunir, notamment d'arnaque assez courante. Oui. Ensuite, juste en dessous de toi, alors sur l'écran de visio, Evie avec nous. Salut Evie. Bonjour. Evie, regarde, depuis les États-Unis. Je commence à parler comme mes étudiants, alors je prends l'accent américain. Ah, d'accord. Donc Evie qui était longtemps bénévole, qui s'est chargée de la com ici, enfin voilà, c'est une fidèle de Fadjet, malgré les milliers de kilomètres qui nous séparent aujourd'hui. Depuis donc les USA, tu vas nous faire un cours de français aujourd'hui. Oui, c'est ça, je vais tester votre connaissance de la grammaire française pour voir si vous avez le niveau de mes étudiants. C'est nous qu'on va le faire. Exactement. Ça va être bien. Ça promet. Ça promet. Avec nous également ce matin, Alex, salut. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver ce samedi matin sur Fadjet, tous ensemble. Alors, avec un beau Shabbat d'Alex. Ouais. Tout à fait, puisque j'ai choisi un thème du jour, puisque c'est la journée internationale du fromage. Oh. Fromage, charcuterie, on est raccord aujourd'hui. Hein. Oui, tout à fait, et c'est adapté au samedi matin, puisque chacun peut le consommer quand il le souhaite. Oui. Et on va voir comment se retrouve le fromage dans la chanson française. Oh. À découvrir, à déguster tout à l'heure. Voilà. Jérôme avec nous, salut Jérôme. Oui, bonjour à tous et content de participer à la troisième édition. Oui, c'est la troisième édition. Alors Jérôme, aujourd'hui tu vas nous parler de développement personnel et puis tu vas nous proposer aussi un blind test musique de film à la fin de l'émission. Voilà, c'est le développement personnel qui est à la mode. Hein. Je vais parler un petit peu de toutes ces émissions qui se multiplient. Et puis je parlerai justement du thème de l'échec. Et puis à la fin, effectivement, le blind test. Très bien. Ensuite, avec nous également, Joss. Salut Joss. Bonjour à tous, contente de vous retrouver, encore une nouvelle émission. Alors aujourd'hui, je vais vous parler des expressions de nos grands-parents. D'où viennent-elles ? Il y en a de nombreuses. Bien, on a hâte de les découvrir ou de les redécouvrir. On poursuit ce tour de visio d'écran. Isabelle avec nous également. Salut Isabelle. Salut à tous. Isabelle, tu vas nous parler de Pâques. Oui, je vais vous parler de Pâques. Je continue comme les précédentes émissions. D'où ça vient trouver, voilà, d'où ça vient les fêtes que nous avons toute l'année. On va découvrir que c'est pas que des œufs ou des petits lapins au chocolat. Avec un joli jeu de mots d'Aurélie, bravo. Ah bon, qu'est-ce qu'elle a dit ? Elle a dit c'est pas que. Ah, Je suis tellement drôle, je fais des jeux de mots sans m'en rendre compte. Oui, il faut être éveillé. Bientôt, on peut dire. Il est très très tôt pour un samedi. Philippe est bien réveillé avec nous ce matin aussi. Salut Philippe. Oui, bonjour Aurélie, bonjour François, bonjour tout le monde, bonjour les auditeurs de Fadjet. Ben moi j'aborderai tout simplement un petit sujet sympa, donc comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est la charcuterie, c'est les traiteurs, les bouchers, les charcutiers. Voilà, la bonne bouffe, les bons gueuletons qui nous manquent un petit peu actuellement. Donc voilà, ça c'est dans quelques minutes avec vous. Exactement, c'est toi qui ouvriras le bal dans un instant. On termine la petite présentation de nos chroniqueurs. Johan avec nous également ce matin. Salut Johan. Salut, ben salut Aurélie, salut François, salut toute l'équipe. Donc aujourd'hui, je vais continuer mes petites chroniques sur le patrimoine. J'en profite quand même pour vous inviter toutes et tous à jouer sur la page Facebook de mon émission Geekward. Il y a plein de lots à gagner pour la centième, donc venez nous faire un petit coucou et jouez avec nous. Eh bien, petit instant promo de Johan, merci. Et on conclut avec Élise. Salut Élise. Salut, bonjour à tous, ravi de vous revoir, ça faisait un petit moment quand même que je n'étais pas là. Oui, t'avais pas pu participer aux précédentes, non. T'étais là avec nous à Noël. Oui, c'est ça, ça fait depuis Noël oui, que je ne suis pas revenue sur les ondes de Fadjet. Et du coup, je vais revenir pour vous parler d'une web-série, Le Visiteur du Futur, qui tourne en ce moment un film sur Nancy. Super. Enfin, bien, pas sur la ville de Nancy, hein, mais ils se tournent en ce moment à Nancy plutôt. Ils sont en tournage actuellement. Merci beaucoup et donc plein de belles choses à suivre jusqu'à 10h sur Fadjet. Et on le disait, on va parler charcuterie tout de suite avec Philippe. Ensemble. Fadjet, presque ensemble. Écoutez, aujourd'hui, jour de la Sainte Habib, hein, nous sommes bien le samedi, jour de la Sainte Habib, je vais vous parler, entre guillemets, de bonne bouffe, de bon gueuleton, comme on dit chez nous en Lorraine, avec l'Académie gourmande des charcutiers. Alors effectivement, j'ai bien dit charcutiers et pas charcutiers. Voilà, cette académie regroupe une vingtaine d'artisans bouchers, charcutiers et traiteurs de Meurthe-et-Moselle et des Vosges. Alors cette académie a trois objectifs. Le premier, c'est la promotion des produits artisanaux de boucherie et de charcuterie traiteur haut de gamme et innovants fabriqués par ses membres. Secondo, la formation des adhérents aux nouvelles techniques du métier, à l'hygiène et à la nutrition. Et enfin, troisième point, la transmission du savoir-faire artisanal aux jeunes étudiants bouchers, charcutiers et traiteurs. Les artisans de cette académie gourmande participent à de nombreux événements culinaires comme des concours, des salons et autres fêtes régionales. Sans oublier, et là mes amis, c'est le must du must, la tradition, l'excuse. La spécialité éphémère des charcutiers. L'excuse se met imaginée et concoctée par les académiciens qui nous font découvrir une fois par an, généralement du 6 décembre au 6 janvier. Une douceur salée, vendue pendant un mois par les membres de l'Académie gourmande, présidée par Pascal Batagne. Mais en mai 2020, la crise sanitaire ayant décidé de jouer les troubles fêtes, pas de présentation en grande pompe, pourtant bien méritée. Alors là, mes amis, le foie gras, chers auditeurs de Fadjet, est une valeur sûre. Pas de quoi démotiver l'artisan qui, une fois de plus, a décidé de laisser de côté les produits de la mer dans l'élaboration de sa recette 2020. On a essayé, dit-il, avec du poisson, des Saint-Jacques ou encore du homard, mais ça ne prend pas. Celui-ci s'est donc tourné vers la valeur sûre, qui est donc le foie gras. Mais pas que. Il a poussé sa réflexion culinaire encore plus loin et fait bouger les lignes en travaillant les riz de veau. J'ai incorporé, dit-il, des éclats de riz de veau braisés avec le foie gras. Puis, pour supporter tout ça, j'ai imaginé une base de biscuits à la cacahuète que l'on n'utilise pas souvent. Le résultat est bluffant et moi-même, je peux vous le confirmer pour l'avoir goûté et dégusté. En 2020, l'Académie gourmande a organisé conjointement avec la confrérie des tastes andouilles du Val d'Ajol le concours de la meilleure tourte à l'andouille. Ce concours était ouvert aux professionnels des métiers de bouche et aux amateurs de cuisine qui devaient présenter une tourte de 24 cm de diamètre avec un minimum de 50% d'andouille du Val d'Ajol. En 2019, vous voyez, j'étais parti en mille quelques temps. En 2019, l'Académie gourmande des charcutiers a préparé et mis sur assiette plus de 120 kilos de foie gras pour régaler les 2400 convives du prestigieux repas des aînés de la ville de Nancy. 6 artisans, membres de l'Académie, ont dressé les 2400 assiettes en un temps record. Ils ont démontré le savoir-faire artisanal et l'amour, bien évidemment, du travail bien fait. Si la crise sanitaire le permet, nous retrouverons ces académiciens lors de la Lorraine est formidable, programmée les 28 et 29 août 2021 au château de Lunéville, manifestation qui tient à cœur à mon ami Jérôme Prodhomme. Vous pouvez retrouver toutes ces informations sur la page Facebook Académie gourmande des charcutiers et sur le site internet académie-gourmande.eu. Voilà, j'en ai fini. J'espère vous avoir mis l'eau à la bouche en ce samedi matin. Un grand merci à Pascal Batiane, président de l'Académie gourmande des charcutiers de Lorraine, avec qui j'ai échangé pour vous parler de cette académie. Merci Philippe. Et justement, ça vient avec ce qu'on... Parce qu'on on discute un petit peu hors antenne, off, comme ça, et on parlait de la fête de l'andouille. Avant, il y avait des miss, effectivement, sur ces fêtes-là. Miss Pâté-Lorrain. Il y a toujours, ça existe toujours, ça, je ne sais pas si vous le savez, mais il y avait Miss Tourte, il y avait Miss Grenouille dans les Vosges, Miss Escargot, Miss Coquille, il y avait toutes ces miss-là. Alors je crois qu'elles ont été quand même remplacées par... Même Miss Boudin. Miss Boudin, ouais, c'est ça. Ah, c'est vrai que c'est pas... Alors ça existe toujours, bien évidemment. Hein. Oui, bon. Mais pas ça sur le CV, hein, on évite. Mais effectivement, oui, ça existe toujours. Mais ça fait partie du folklore. Hein. On aime la bouffe en France. Encore aussi énormément dans notre région, hein, la Lorraine. On représente aussi tous les artisans, tout ça. Et donc, effectivement, c'est toujours important, ces petites fêtes folkloriques qui, malheureusement, on ne peut plus faire en ce moment. Mais on peut toujours manger des tourtes, du pâté, de l'andouille. Et le samedi matin, hein, je sais pas, tiens, on fait un petit tour de vite fait de caméra. Ça vous donne envie ? Est-ce qu'il y en a qui mangent du salé le matin ? Ah oui. Non. Pas du tout. Non ? Non. D'accord. Non. Il y a aucun. Avec un petit verre blanc, mais avec modération, bien sûr. Ah, tu manges du salé avec un petit verre de blanc. Mais ça dépend à quelle heure tu te lèves. C'est-à-dire que tu peux faire une autre collation. Tu peux faire un petit déj très tôt, par exemple, et une collation à 10 heures, où tu peux faire un peu de salé avec un petit coup de blanc. Mais je parle vraiment des anciens. Moi, les anciens qui mangeaient vraiment des grandes tartines de pâté, des trucs de charcuterie, Du fromage très tôt, le matin avec le café. Voilà, c'est ça. Peut-être un peu plus dans le nord avec le maroilles aussi, ça se fait. Quand on fait les vendanges, en général, comme on se lève très très tôt, ce qui est servi. Pour les vendangeurs, c'est du pâté. Du pâté, ça. Faut que ça tienne au corps. Oui. Voilà. Merci Philippe pour cette mise en bouche, c'est le cas de le dire. On va poursuivre tout de suite notre émission. Bienvenue à vous, vous êtes sur Fadjet, on vous le rappelle. C'est Fadjet, presque ensemble. Ensemble. Fadjet, presque ensemble. Ça va peut-être un petit peu dans la même lignée, finalement. Oui, on reste dans la tradition un petit peu. Parce qu'on va parler d'anciennes expressions françaises avec Joss. Et oui, Aurélie, il y en a des centaines des expressions françaises, nos vieilles expressions. Alors, c'est vrai, les expressions de nos grands-parents, pas encore totalement tombées dans les désuétudes que vous avez peut-être entendues lors de vos vacances avec papy et mamie. Alors, on va faire un petit tour dans le passé. Payer en monnaie de singe, ce qui veut dire ne pas payer ou arnaquer. Alors, d'où vient cette expression ? Au XIIIe siècle, le roi Louis IX décida d'instaurer un péage à l'entrée du port qui enjambait la Seine entre Paris et l'île de la Cité, avec le moyen de 4 deniers pour le droit de traverser. Et l'exception, les jongleurs, acrobates ou les montreurs de singes qui se rendaient sur l'île pouvaient passer gratuitement en réalisant un petit tour d'acrobatie ou un numéro de jonglerie ou un numéro avec un singe. Vous saviez ? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Alors maintenant, je vais vous parler amuser la galerie, ce qui veut dire faire rire, comme Fadjet le fait souvent. Et François surtout. Voilà, j'en étais sûr qu'il y en avait une qui allait me sortir ça. Oui, c'est vrai, on aime bien amuser la galerie. Donc ça veut dire quoi, Majos ? Alors, ça vient d'où, le mot galerie s'emploie de nos jours pour désigner un passage ménagé à l'extérieur ou intérieur. L'origine linguistique vient du latin galeria qui signifie porche d'église. Vous voyez qu'il y a quand même une distinction complètement différente. Alors sachez qu'au Moyen-Âge, les porches d'église servaient de scène pour les représentations théâtrales, en particulier pour les danses macabres. Ah, j'adore ça. Outre les spectacles à l'édification morale et religieuse, les porches abritaient des spectacles, des pièces se moquant des nobles, il en fallait aussi. Devant la galerie, on pouvait se distraire. D'accord. Il y a plein de choses à savoir. Ben c'est vrai. Alors, du coup, ça peut servir encore de... Kif, kif, bourrico. Je continue pas, t'inquiète pas. Vas-y. Vous oui, non, vas-y, Joël, continue, vas-y. Kif, kif, bourrico. Alors, kif, kif, bourrico, c'est pareil, ça veut dire pareil. Alors, l'expression vient de l'arabe du Maghreb, le kif, qui n'a rien à voir ici avec le hashish marocain. Mais cela signifie... C'est bien de le préciser. Pareil. Comment ? Non, c'était c'est important de le préciser. De le préciser. Oui, j'avais fait la confusion. Mais cela signifie, pareil, plus précisément, identique. Ce sont les soldats français issus des armées d'Afrique du Nord à la moitié du 19e siècle sur le Second Empire qui vont rapporter la formule chez nous. La présence du mot « bourricot » dans cette expression s'explique parce qu'en arabe, on dit aussi « c'est pareil » à la âne. En France, on a également « c'est blanc bonnet » ou « bonnet blanc ». Alors cette expression « bonnet blanc » et « blanc bonnet » fut popularisée et prononcée par le candidat communiste Jacques Duclos en 1969 au sujet de Georges Pompidou et Alain Poher qui s'affrontaient au second tour de l'élection présidentielle. Alors, est-ce qu'il y en a un peu de temps pour une dernière ? Allez, une dernière, mais il est 9h30 du soir. Petite dernière. Fagoter comme l'as de pique, qui veut dire être très mal habillé. Au XVIIe siècle, l'expression désignait une personne chétive et maigrichonne. Par la suite, elle a représenté une personne étrange ou bizarre. Aujourd'hui, elle est surtout utilisée pour critiquer un habillement de mauvais goût. Ah bon ? Alors, il faut savoir que au tarot, l'as de pique est un mauvais présage. Et au XIXe siècle, les petits malins ont remarqué que la figure de l'as de pique ressemblait à un croupion de poulet. Ah, ouais. Moi, j'avais cru qu'on disait aussi coiffé comme un as de pique. Tu sais, ça fait, c'est parce que tu te lèves et que tu t'es pas coiffé. Mais il y a plein d'expressions. D'accord. Plein. Merci. Fringué comme un as de pique. Comment, t'as dit quoi, Evie ? Fringué comme un as de pique aussi. Fringué comme un as de pique, voilà. Bon, bah merci pour toutes ces petites expressions et ces explications, Majos. On te retrouvera d'ailleurs, on la retrouve le mardi matin dans la matinale de Fadiette. En ce moment, on la retrouve même le mercredi matin, le jeudi matin, le vendredi. Faut savoir qu'elle me fait des chroniques tous les jours. Elle a pris un abonnement. C'est ça, j'ai perdu un petit peu de monde, donc je l'appelle en secours, elle prépare ses petites chroniques. Merci à toi, on va écouter un titre, je sais pas de qui il a été proposé, ce titre, c'est Serge Gainsbourg. C'est qui oui, qui l'a proposé ? Quelqu'un avait envie d'écouter Serge Gainsbourg et pourquoi ? Parmi vous, chers chroniqueurs. C'était qui ? Bah, c'est moi qui avais proposé pour le 30e anniversaire par rapport à sa mort. Ouais. C'était en début du mois de mars. 2 mars, il est décédé le 2 mars 1991, Serge Gainsbourg, qu'on ne présente plus. Et c'est un classique avec Brigitte Bardot, on se retrouve juste après, vous êtes sur Fadjet. On est ensemble jusqu'à 10h. Presque ensemble. Presque ensemble, pardon. Viens petite fille dans mon comic strip, viens faire des bulles, viens faire des clip, crack, des bang, des bang, et des zip, shibam, pow, blop, whiz. Je distribue les swings et les uppercuts, ça fait, viens, ça fait, splash, et ça fait, stop, ou bien, bang, ou oh, parfois même, zip, shibam, pow, blop, whiz. Viens petite fille comic strip. Viens faire des bulles, viens faire des... Des... Crap, des... Bang, des... Flop, et des... Zip, shabam, pow, blanc, whew. Viens avec moi par-dessus les buildings. Ça fait... Whew. Quand on s'envole et puis... Cling. Après quoi je fais... Tilt. Et ça fait... Boing, shabam. Serge Gainsbourg et Brigitte Bardot sur Fadjet. Ensemble. Fadjet, presque ensemble. Alors c'est vrai que ce titre est aussi connu. Alors voilà, on discutait aussi un petit peu hors antenne pour être une pub, enfin illustrant une pub qui est le parfum de Nina Ricci, c'est ça, Alex? On n'annonce pas de marque à l'antenne. Si, on s'en fout. on peut. Mais il faut en citer deux autres. Il faut en dire deux autres. Ouais, Chanel et Dior. Et Dior, voilà, comme ça, c'est fait. Mais au-delà de ça, tiens, je sais pas, Evie, si je voulais juste, je sais pas, c'est pas de ta génération, mais est-ce que aux États-Unis, on parle de chanteurs français en particulier, enfin, comme étant des illustres chanteurs, enfin reconnus en France et à l'étranger? Est-ce qu'il y en a que tu pourrais citer? Ou que tu connais, ou que tu entends. Evie, t'as entendu ce que j'ai dit ou pas? Oh non, il y a de l'écho. Je disais, est-ce qu'il y a des chanteurs français à l'étranger, particulièrement aux États-Unis, qui sont connus? Alors français, pas trop. Francophone, oui. Ah, oui. Mes étudiants, ils connaissent Stromae. Ah, oui. Bon, j'essaye de leur passer du Johnny des fois, mais ils. Ah, il est pas français, Stromae. Oui, il est belge. Francophone. Oui, pardon. Français. Mais alors, oui, même on Johnny. Fait la différence maintenant. Même Johnny, ah, ils connaissent pas. Ils connaissent pas Johnny. Mais oui, non, sinon Johnny n'accroche pas trop. Et comme c'est dit Piaf, mais bon, c'est tout. Il pense que c'est Marion Cotillard dans La Môme. Ah. Il y a pas de... Et non, pas de... Ah oui, c'est triste quand même, hein, parce que nous on connaît plein de chanteurs américains, voilà, ça intéresse pas trop à notre pays. Mais si, on connaît même des récents, des moins récents. Bon, allez, on poursuit cette émission, les amis. Vous êtes toujours sur Fadjet. C'est le début du week-end. Il fait beau. Oh, je m'avance. Je le sais qu'il fait beau. J'ai regardé dehors et on est très content déjà parce que c'est le printemps. Bah, ça me fait plaisir aussi, hein, parce que j'en ai assez de cet hiver. Enfin, il était dur et long. Vivement qu'on puisse aller prendre des verres le soir et où profiter du soleil. Mais où ça? Mais dans quel monde? Mais dans quel monde? Ça n'existe plus, voyons. C'est vivement le printemps qu'on aille prendre l'apéro dehors. À distance. Ouais. Voilà. C'est bon, allez, ça. On poursuit. Oui, alors. On n'aura jamais fini à 10h. Ouais, on continue avec qui? Avec Pierre? Avec Pierre, effectivement, Pierre qui voulait nous donner des conseils concernant les arnaques notamment. Pierre, c'est à toi. Oui, bonjour. Alors, comme le chantait Ronan Luce... Oh, il y a un petit Larsen, attention. Un tout petit écho, ouais. Voilà, on fait des réglages, c'est comme ça, c'est en direct, hein, on peut pas... Et puis c'est à distance, donc on ne peut pas trop maîtriser non plus l'outil technique. Pierre, dis-nous... Je crois que c'est bon, je crois que ça va le faire, Pierre. Vous m'entendez? Oui. Comme chantait Ronan Luce, j'ai reçu une lettre, il y a un mois peut-être, arrivée par erreur, maladresse de facteur, aspergé de parfum, rouge à lèvres, carmin, j'aurais dû cette lettre, ne pas l'ouvrir peut-être, sauf que moi la lettre, eh ben, je l'ai ouverte. Et fatalement, je n'aurais pas dû ouvrir cette lettre, mais je l'ai quand même ouverte. Et sur cette lettre, ça dit, voici le résumé de ce que disait la lettre. Vous êtes inscrit sur un site de rencontre, veuillez vous acquitter d'une somme d'argent de 137 euros nécessaire à l'inscription. De plus, avec des menaces de recouvrement signées du bureau des avocats, dont je tairai le nom. Bref, situation effrayante, une menace d'aller devant le tribunal, je me suis dit de quoi, je fais quoi, est-ce que je paye, est-ce que je paye pas. J'ai sorti mon chéquier, j'ai fait le chèque, mais dans la nuit, quelque chose m'intriguait et m'empêchait de dormir. Je me suis renseigné sur Internet, sur ce soi-disant cabinet d'avocats, et en première requête, méfiez-vous d'arnaques. Beaucoup se sont fait avoir, car les cabinets ne procèdent pas comme ça en général. Un simple courrier douteux, d'habitude, c'est scellé, et d'autres victimes disaient qu'il n'était pas trop tard pour récupérer son argent si le chèque a été envoyé par le cashback. C'est la solution si vous avez été victime de cette arnaque. Mais compliqué. Alors, je n'ai pas envoyé le chèque et je peux dire que je l'ai échappé belle. Et c'est parce que beaucoup d'entre vous pourraient se faire avoir, car ils harcèlent au téléphone, relancent par mail et que c'est des pros. J'ai décidé de vous en parler ce matin. Super, merci beaucoup. Merci Pierre. De rien. Qu'on retrouvera d'ailleurs effectivement toujours dans la matinale aussi, en plus de son émission. L'effet miroir. L'effet miroir, qu'on retrouve le mardi avec l'équipe du mardi. Bon, alors, on est bien, qu'est-ce qu'on fait ? On fait un petit peu de développement personnel, parce que moi j'en ai vraiment besoin en ce moment. Oui. C'est ça, j'ai besoin me regonfler l'ego, de me faire du bien. Et on va parler d'échec, notamment avec Jérôme. Alors, de l'échec, quand on ne réussit pas quelque chose, on ne va pas parler jeu, des échecs. Voilà. Mais c'est ça. C'est ça, Jérôme. Comment aborder l'échec, c'est ça ? Voilà, en partie, voilà, oui, Aurélie, et donc une petite innovation ce mois-ci, avec donc une invitation à une chronique sur le développement personnel, c'est-à-dire ces pratiques qui ont pour objectif donc une amélioration de la connaissance de soi, d'accroître la qualité de sa vie personnelle et la réalisation de ses aspirations, voire de ses rêves. Alors, on sait tous, par notre expérience, que la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Et moi, personnellement, j'ai découvert le développement personnel récemment, il y a un an, en contactant sur Nancy un coach de développement personnel que vous connaissez en partie à Radio Fadjet, puisqu'elle anime une émission. Donc, c'est Émilie Adam, depuis quelques mois, fait une émission « Je m'en tape », justement, dont la thématique est le développement personnel. Alors d'ailleurs, c'est une problématique qui intéresse de plus en plus les Français et y compris les jeunes. Alors, je ne sais pas si vous connaissez donc Léna Situation, qui est une jeune youtubeuse qui a 24 ans, qui a écrit un livre qui s'appelle « Toujours plus » et qui a déjà vendu 250 000 exemplaires. Qui a cartonné, elle s'est fait cartonner aussi par d'autres écrivains parce qu'ils étaient un peu jaloux. Elle a dépassé les ventes de plein d'autres. De toutes les stars. Oui, c'est ça. Donc, ce qui montre, c'est une problématique qui intéresse même les jeunes. Vous connaissez certainement aussi le succès des applications comme Petit Bambou ou Seven Mind pour la méditation. Là aussi, qui prône effectivement une méditation régulière tous les jours. Et puis, à la télévision, vous voyez également apparaître des émissions. Alors, je sais, le samedi matin, par exemple, en concurrence directe avec notre émission, vous avez Belle et Bien, donc sur France 2, et puis sur C8 le dimanche matin, vous avez le mag qui vous fait du bien. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà vu. Moi, j'ai déjà vu cette émission. C'est la présentatrice que je trouve un peu, tu vois, ce surcôté surzen comme ça, très joyeuse. Ça fait un peu gourou. Je suis d'accord avec toi, je n'apprécie pas trop l'animatrice non plus, mais les thèmes qui sont abordés sont intéressants. Ouais. Et donc, je pense que si l'on acquiert donc des connaissances dans ce domaine, ça peut nous aider justement à mieux affronter les aléas de la vie, car je pense que les bons nombres de Français ne sont pas préparés justement à affronter des aléas parfois douloureux. Et petit rappel, pas très gai, chaque année, il y a quand même 9000 suicides par an, soit 3 fois plus que les accidents de la route, et on n'en parle quasiment pas. De même que la France est la championne du monde des anxiolytiques, preuve que, effectivement, c'est un réel problème en France. Et donc, je suis convaincu que si on agit effectivement le plus en amont possible, et notamment au niveau de l'école, en intéressant effectivement les élèves, certes à acquérir un savoir-faire qui leur permettra de s'insérer professionnellement, mais également donc d'acquérir un savoir-être afin de trouver un équilibre vie professionnelle et vie privée. Et donc, prenons l'exemple effectivement de la peur de l'échec. Alors, je ne sais pas si vous avez eu peur de l'échec, ça vous a empêché d'agir. Oui, c'est un jeu qui me fait très peur. On a tous vécu à un moment donné, cette peur qui paralyse. En France, effectivement, on a tendance à nous montrer du doigt lorsque nous échouons, y compris à l'école. Or, il faut, je pense, revoir une partie de la formation des enseignants, par exemple, en y ajoutant un module sur la psychologie de l'enfant. Car si un enfant est en situation d'échec, au lieu de le blâmer indirectement, il serait préférable d'en trouver l'origine, parce que je ne pense pas qu'un échec, un élève échoue par plaisir. Et donc, au-delà de l'échec scolaire, on peut au quotidien aussi avoir peur d'agir, d'aller vers ses rêves, de craindre de rencontrer donc des échecs. Or, en réalité, on s'aperçoit que l'échec fait partie de la vie, que les échecs sont là pour nous faire progresser. Certes, l'échec fait mal, parce qu'il renvoie souvent une blessure narcissique et peut faire perdre confiance en soi, mais l'important n'est pas l'échec lui-même, Hein, c'est plutôt de toujours en tirer une leçon pour éviter que la situation se renouvelle. Donc, si vous rencontrez un échec, ben, prenez du recul, continuez à agir de l'avant, notamment en vivant l'instant présent, car c'est le meilleur moyen d'oublier l'échec qui appartient désormais au passé. Et vous agissez ainsi pour mieux préparer son avenir. Alors, Evie, par exemple, aux États-Unis, est-ce que l'échec est beaucoup moins mis en avant ? On valorise même l'échec, non ? Quelqu'un qui va rebondir après l'échec va être beaucoup plus valorisé, oui. Ah, je pense. Aussi. Je ne sais pas si c'est en ces termes-là, mais oui, c'est sûr qu'il y a beaucoup plus de ressources et surtout, tu parles de l'éducation des enfants. C'est un autre modèle, on va dire, aux États-Unis. C'est-à-dire qu'en France, on se centre surtout sur le professeur. C'est le professeur qui est à la tête de la classe, alors qu'aux États-Unis, on s'intéresse plutôt aux élèves. Les élèves sont des individus, ils ont chacun des besoins personnels. Et donc, essayer d'enseigner pour répondre à tous ces besoins, en fait, ça diminue la peur de l'échec et d'empêcher les étudiants de se comparer les uns aux autres, parce qu'au final, l'échec, c'est parce qu'il y a des standards qui ne sont pas rencontrés. Donc voilà, c'est toute une façon de repenser en fait la compétition et d'en faire, de s'en débarrasser en fait tout simplement. Dans le monde entrepreneurial, la référence est un peu les États-Unis où l'échec fait partie de la construction de la réussite. Ouais. C'est une étape quasiment, et c'est un peu l'image qu'on en a, moi qui suis beaucoup d'entrepreneurs comme ça américains, où en France l'échec est parfois une barrière et la fin de quelque chose. Ouais. Et souvent l'image qu'on a et qui est représentée par des entrepreneurs américains, ça fait partie, et même parfois pas qu'un échec, deux, trois, voire 10 échecs pour certains, fait partie de cette construction-là. Mais ça, c'est dans le monde adulte. Voilà. Alors, cette notion d'échec, Vianney l'a parfaitement traduite dans sa chanson. Il a sorti un nouvel album. Il y a une chanson qui s'appelle « J'ai essayé », hein, et qui traite justement de cet échec. Il faut essayer dans la vie et ce n'est pas grave si on échoue. Alors, je vous propose donc d'écouter ces belles paroles de Vianney par rapport effectivement à la notion donc, d'échec. Pour illustrer. J'avais planté des graines dans un potager, j'avais semé du seigle dans un champ fané. Les graines au soleil se sont vues sécher, et le seigle de même n'a jamais poussé. C'était pas la saison ou pas l'endroit, qui sait. Qu'importe, car au fond j'ai essayé. J'ai fait une cabane en olivier. Le sol était de sable et ça me plaisait. Puis le toit, puis les bases se sont froissées. Étalée sur le sable, la maison cassée. C'était pas la saison ou pas l'endroit, qui sait. Qu'importe, car au fond j'ai essayé. On couve des projets, des ponts, des plans. On couve des couplets, des enfants. Moi j'ai gagné parfois et perdu souvent. Celui qui n'échoue pas n'est pas vivant. C'était pas la saison ou pas l'endroit, qui sait. Qu'importe, car au fond j'ai essayé. C'était pas la saison, non, ou pas l'endroit, qui sait. Qu'importe, car au fond. La la la la la la. Qu'on a semé n'a pas toujours poussé. Ce qu'on a semé n'est pas paumé. Si ce qu'on a semé n'a pas toujours poussé. J'ai essayé. que la rosée. Bon, j'aurais pu finir comme ça. Viens, j'ai essayé. Ensemble. Fadjet, presque ensemble. Merci Jérôme, merci, vous êtes sur Fadjet, merci pour cette chronique sur le développement personnel. D'ailleurs, il y a un adage que je trouve un peu cliché, effectivement, mais que j'aime bien suivre, c'est souvent la notion d'échec qui est enlevée. Alors, je ne sais pas si tu l'as dit tout à l'heure, mais c'est soit j'apprends ou soit je réussis. On enlève totalement dans la phrase l'échec. Voilà, merci, c'était la pause développement personnel. On te retrouvera tout à l'heure pour peut-être aussi une note musicale à la fin de l'émission. Bah, peut-être un blind test si le temps le permet. Mais oui, pour l'instant, les amis, on est timés à la minute près. C'est parfait. Chacun a compté ses mots comme il fallait. Je pense que les auditeurs sont satisfaits, contents d'être avec nous, j'ai envie de le dire, ce matin. Mais on espère. Sur Fadjet. Mais en revanche, si tu continues comme ça, on risque d'être un peu pourquoi un je peu parle long. Trop je parle trop. Non. Regarde, il y a une moto les qui amis. Passe. J'aime bien la réaction de tout le monde, ce qu'on rappelle. Donc, tous nos chroniqueurs, on a une dizaine de chroniqueurs sont tous à distance en visio. Ils font une tête, je sais pas, j'ai la sensation qu'ils acquiescent un petit peu ce que je disais. Pas du tout, ils m'adorent. Je le vois bien, regarde. Bah, ça n'empêche, ils peuvent t'adorer en plus. Bon, la suite. Eh ben oui, c'est toi qui continue, c'est qui parle après. Alors, c'est qui parle. Hein, c'est pas français ça, Lévi, c'est français. C'est Kiki. Ça, c'est qui parle. Eh oui. C'est Kiki, et ben c'est Yo-Yo. C'est Yo-Yo, Yo-Yo, il nous fait visiter. Petit tour patrimoine pour quoi faire ce week-end, profiter un petit peu dans périmètre proche de Nancy. On a une heure de plus, on peut essayer d'en profiter. Bah voilà, c'est ça. Alors tu nous emmènes où, Johan ? Oui, et ben aujourd'hui je vous emmène à la découverte de notre patrimoine, encore une fois à travers cette chronique. Et aujourd'hui on va aller à Malzéville. Oh, c'est sexy. T'arrêtes de dénigrer comme ça. On embrasse tous ceux qui nous écoutent à Malzéville, évidemment. Oui, bien sûr. J'en connais un certain nombre. Donc aujourd'hui, nous allons découvrir leur petit village en recul de la métropole au pied d'un plateau boisé du même nom, le plateau de Malzéville que chacun connaît ici. Cache un écrin historique méconnu au travers de son village. Alors, notre parcours, on va le démarrer par le grand pont qui traverse la Meurthe, le pont Renaissance. On remonte la rue Sadi-Carnot et je vous invite à entamer notre visite en tournant directement sur votre droite, sur la rue Maurice-Barrès. Et vous allez y découvrir la fondation Jacquemin, édifiée en 1903 sous l'impulsion de Georges Jacquemin, disciple de Pasteur. Donc, s'inspirant des usines en briques construites au XIXe siècle en Angleterre, la façade est de composition classique et symétrique. À noter également, juste à côté, la villa Jacquemin, du même nom, toujours, aux inspirations d'architecture victorienne à contre-courant à l'époque, où se développait, bien sûr, l'architecture de l'école de Nancy. Eh bien, pas à Malzéville, on a décidé de faire autrement. Avec ses vitraux de Gouvillet, maître verrier malzévillois sous-traitant de Gruber, ou encore les ouvrages de bois signés par l'architecte Michaud en 1905. Il faut bien sûr rappeler sur cette villa l'escalier extérieur aux inspirations coloniales et à son minaret que le propriétaire voulait plus haut que l'autre minaret de la ville que nous découvrirons un petit peu plus tard. Vous pourrez également observer de loin le château de Malzéville au bout de l'avenue du même nom. Édifié en 1750 par le comte d'Offelise, le château fut conçu par Richard Miquet, architecte des Ducs de Lorraine, puis de Marie-Antoinette à Versailles. De style classique, le corps principal s'élève sur trois niveaux en façade découpée de cinq travées, au milieu desquelles se loge naturellement la porte d'entrée. Au dernier niveau, percé de fenêtres plus petites, prépare au couronnement de l'édifice avec une très belle toiture. Il faut préciser également que l'entrée du château faisait autrefois la rue de l'Orme. Et en fait, aujourd'hui, on va dire que ce parc a été largement tronçonné et coupé, puisqu'une partie de ce parc a été revendue pour permettre la construction d'un lotissement dans les années 1920, confié également à l'architecte Michaud, à qui l'on doit justement la villa donc, que nous avons vue un peu plus haut, la fameuse donc, Villa Jacquemin. En continuant notre visite, sur notre gauche, on remonte sur la rue du Colonel Drian. Je vais y arriver, je cafouille ce matin. Et nous aurons dans la prolongation la rue de l'Église. Un parent à toi ? Non, il n'y a pas de thé, moi, à la fin. Ah, c'est ça, vendu. D'accord. Hein, on a perdu une lettre pendant le voyage. Et donc, on pourra découvrir tout le long de cette rue des propriétés des 16e au 18e siècle à l'architecture donc, traditionnelle de village lorrain. Nous voici donc arrivés à l'église Saint-Martin de son nom, avec ses peintures murales du XVIe siècle, dont un remarquable chemin de croix, cycle de la passion en réalité, qui est classé aujourd'hui. Les boiseries du chœur datent du XVIIIe siècle, également classées, et à l'extérieur, on pourra observer son clocher fortifié avec sa présence de meurtrière. Désormais, je vous invite à redescendre vers le cœur du village avec la rue Paulbert, qui offre une magnifique résidence bourgeoise du XVIIIe siècle, avec sa cour en hémicycle, sa fontaine et son escalier extérieur avec ses grilles ouvragées. Une fois arrivé à l'école, donc de l'école Paulbert, hein, du même nom, bien sûr, vous remontez la rue de la République, puis la rue du Général de Gaulle, et vous arrivez à la mairie de Malzéville. Et c'est pourquoi je vous emmène là, puisque nous finissons notre visite, comme à chaque fois, à travers un petit parc. Et on va aller dans le parc le plus connu de Malzéville. On ne prend pas de risque pour cette fin de visite. Le parc de la Douéra, parc au milieu duquel donc, trône fièrement la demeure orientale de style mozarabe, objet donc, d'une inscription partielle au monument historique depuis 1933. Cette demeure, qui renferme trois salons décorés inspirés de l'Orient, son allure de petite mosquée cariote, fut le souhait du peintre et archéologue Charles Cournot, donc élève de la Croix qui voyageait en Algérie vers 1840. Le parc est caractéristique des jardins d'agrément des résidences bourgeoises du XIXe siècle, jouissant d'un patrimoine paysager riche et varié. Il est sillonné de plusieurs allées à la façon des jardins pittoresques, dépaysement garanti et parc, bien sûr, ouvert au public. Les parcs de la Douéra, d'ailleurs, où se déroulent chaque année les Douéraphonies. Oui, dont Fadjet est souvent partenaire, oui, effectivement. Ouais, ouais, ouais. Merci, Johan, pour cette belle balade. Et moi, je signale que ça me donne des petites idées pour me promener parce que je suis allé voir la fontaine du vieux Vendeuvre. Hein, qu'on t'a parlé la dernière fois, voilà, tu vois, hein, on dit souvent de moi que je ne fais pas les choses qu'on me dit de faire, et ben je les fais. Et là, tu vas découvrir, au lieu de te moquer, tu vas aller découvrir Malzéville. Et les Malzévillois, que j'essaierai de prononcer avant d'arriver là-bas, mais voilà, j'irai avec plaisir, merci à toi. En tout cas, Johan, donc, qu'on retrouve dans Geek World. Geek World, oui. Et All You Need Is Rock. Également, le dernier lundi du mois, 20h. Très sur Fadjet, voilà. Évidemment. C'est une émission consacrée aux cranberries, d'ailleurs. Ah, très bien. Très bon choix. Ensemble. Fadjet, presque ensemble. Oui, on est toujours presque ensemble jusque 10h, ceux qui nous rejoignent. Bon début de réveil, bon début de matinée, bon début de week-end, c'est comme ça qu'on dit. Hein. Si vous vous levez un petit peu tard, nous, on est dans notre émission, notre concept, Fadjet presque ensemble. On le relit, Aurélie et moi-même, dans les studios, la dizaine de chroniqueurs à distance chez eux, voire très loin, dans un autre pays, même pour certains, et on est ensemble jusque 10h. On va poursuivre d'ailleurs avec celle qui vient nous parler à chaque fois des fêtes qui sont en relation avec les émissions, finalement. Et là, c'est Pâques. C'est Pâques avec d'où Isabelle. Ça vient, d'où que ça vient, Pâques, alors Isabelle. Alors, bon, évidemment, c'est l'excuse parfaite pour manger des chocolats ou se rassembler en famille, mais c'est aussi un moment fort du printemps, Pâques. Et surtout, derrière les traditions réjouissantes et la veille d'un jour férié, se cache à l'origine une fête religieuse plus importante que Noël pour les chrétiens. Le jour de Pâques, les chrétiens commémorent la résurrection du Christ qui marque la fin du jeûne du carême. Notons que le mot Pâques s'écrit au pluriel, car la fête de Pâques chrétienne est multiple. En plus de la résurrection, elle célèbre aussi la scène, dernier repas de Jésus avec ses apôtres, et la passion du Christ, les événements qui ont accompagné sa crucifixion. Bien avant Jésus, Pâques était déjà célébré par les Juifs. Les Hébreux, rendus esclaves de l'Égypte depuis des siècles, se sont émancipés en quittant Israël sous la conduite de Moïse. Cet exode, symbole de la libération des enfants d'Israël, c'est la Pâque originelle juive, sans S. Outre l'origine religieuse, une source païenne bien plus ancienne fait état de la célébration du printemps et du renouveau après les longs mois d'hiver. Pâque représente la fête la plus solennelle de l'Église catholique. Et lors de la semaine qui précède Pâques, appelée communément la Semaine Sainte, les chrétiens pratiquent des rituels qui accompagnent symboliquement chaque étape avant ayant conduit Jésus sur la croix. Est-ce qu'on aura encore des pots de bouc? Non, pas cette fois. Non, mince. Dommage. Mais il y aura des petites trucs, des petits trucs sympas dans l'expression de fêter Pâques à l'étranger. Ah voilà. Ah. J'ai hâte. Alors, donc les chrétiens se retrouvent à l'église dès le jeudi saint pour célébrer son dernier repas, puis le lendemain, le vendredi saint, en mémoire du chemin qu'il a parcouru en portant sa croix. Le samedi saint, les chrétiens se recueillent lors de la veillée pascale autour du deuil du Christ, avant de se retrouver le dimanche de Pâques au matin pour célébrer sa résurrection. S'ensuit le repas de Pâques, qui varie selon les cultures, et autour duquel on partage un rôti d'agneau accompagné de flageolets, notamment en France et en Allemagne. Donc c'est le fameux agneau pascal. La coutume de Pâques la plus répandue à travers le monde est aussi celle des œufs de Pâques. Symbole de fertilité, l'œuf de Pâques est apporté, selon la légende, par les cloches, alors ça c'est pour la Belgique et la France, ou encore par le lapin de Pâques pour les Allemands et les Américains, il paraît-il, Élise. C'est bien ça, tu sais pas? Peut-être, je ne sais pas, non, Pâques ici, j'ai jamais trop fait. D'accord. Je me renseignerai et je te redirai. Ok, ça marche. Alors, dans de nombreux pays, donc, les œufs de Pâques sont au cœur des traditions populaires et religieuses, mais il y a aussi bien d'autres façons de fêter Pâques dans le monde. Ah, alors, vous en avez sélectionné certaines qui sont assez drôles. Ah. Alors, par exemple, en Grèce, il faut faire attention aux poteries volantes sur l'île grecque de Corfou. Puisqu'en effet, le samedi de Pâques, à 11h précise, les habitants de Corfou jettent des pots en argile de toute taille depuis leur balcon. La tradition remonte au XVIe siècle, lorsque les gens jetaient tous leurs vieux objets inutiles par la fenêtre afin d'accueillir la nouvelle année. Les pots cassés sont censés effrayer les mauvais esprits et marquer un nouveau départ. Ou buter les voisins. Les pots de bouc, c'était moins violent. C'est ça, parce que là, tu te fais mal. Tu connais pas, tu passes tranquille dans la rue, tu te prends deux pots en argile sur la tronche. Joyeuse Pâques. Voilà. D'accord. Une autre? Une autre. En Norvège, Pâques est consacré au crime. Ah. Eh oui. Il ne s'agit pas de croquer les oreilles d'innocents lapins au chocolat, ni de casser des œufs magnifiquement décorés. Tu cherches les cadavres dans le jardin au lieu de... C'est un peu ça, vous allez voir. Alors, on parle de Peskekrimmel, une tradition donc norvégienne qui consiste à lire, regarder et écouter des histoires de crimes et des thrillers policiers pendant les vacances de Pâques. Oh la vache. Le pays tout entier semble suspendu, tandis que les éditeurs et les stations de radio et de télévision produisent des histoires de meurtres auxquelles même les marques de lait s'associent en imprimant des récits sur leur emballage. Dupont de Ligonnès, c'est une star. Il doit être bien là-bas. Faites entrer l'accusé World, quoi. C'est une star. Vous en voulez encore? Bah, une dernière. Allez, une dernière. C'est pour le plaisir de la violence, hein, de l'agression du samedi matin. Alors, en Pologne, c'est plus sympathique, vous allez voir. Alors, en Pologne, c'est une bataille d'eau amicale qui se passe. Ça s'appelle le Smigus Dingus. Je ne sais pas exactement comment on dit. Donc, ça s'appelle le lundi mouillé. Et donc, ça a lieu le lundi de Pâques. Et donc, alors, à l'époque, c'était principalement les jeunes hommes célibataires en quête de jeunes filles à marier qui balançait de l'eau donc ces méthodes de drague qui est pas mal, tu me diras, hein. C'est pas mal. Alors, c'est très progressiste, ma foi. Oui. T'arrives, tu prends un verre d'eau dans la tronche, voilà. C'est... Bonjour. Maintenant, tout le monde joue le jeu et donc là, oui. Tout le monde participe à la bataille d'eau. Alors, bien sûr, pistolet à eau, bouteille de shampoing et liquide vaisselle vide, les bons vieux seaux et donc... on asperge tout le monde. C'est même pas de l'eau de Javel, un peu, pour s'amuser, quand même? Non, ça, c'est en Norvège, pour avoir plus de faits de crime. Chérie, je suis amoureux de toi. Et plat, prends ça dans la tronche, terminé. L'hôtel est dissoute. Bon, ben merci, Isabelle. En tout cas, voilà, on a toujours cette petite... Oui, j'ai une question. Ouais, j'ai une question. Est-ce que l'île de Pâques est en rapport avec la tradition ou pas du tout? Eh bien, non. Voilà. D'accord. Voilà. Merci. Ça te suffira le nom parce qu'il n'y a pas d'explication derrière. Non. Non, c'est comme ça. Merci en tout cas, Isa, pour ces petits conseils de fête. Donc finalement, on est assez classique, hein, on bouffe des chocolats. Nous, bon, voilà, au pire, on grossit, mais il n'y a pas d'autres problèmes violents. Ou la fête du crime, ça, c'est joli aussi, hein, c'est pas mal. On va poursuivre avec une musique qui nous a été suggérée ce matin par Alex et Janet Jackson avec Together Again. Et pourquoi, Alex? Eh bien, c'est une période musicale qui me plaît beaucoup. Ouais. C'est une chanson qui appelle les retrouvailles aussi. Bon, dans l'au-delà, par contre, dans l'histoire de la chanson, je ne vous la raconte pas. D'accord. Mais c'est aussi une chanson entraînante pour le samedi matin, pour se réveiller. Bah oui, et c'est un titre de 1998. Tout à fait. Allez, c'est sur Fat Jet, à tout de suite. Forget you. Celeste Jackson ce matin sur Fadjet avec Together Again. Ensemble. Fadjet, presque ensemble. Ouh là là, si avec ça on n'a pas envie de danser ce matin, moi j'y crois rien. Aurélie, t'es toujours là? Bah oui, avec le micro avec c'est mieux. Le micro animé, bien sûr. Et on a fait notre gym là. Ah, ça donne envie de danser, de faire du fitness hein, sur Janet Jackson. Je suis ensemble et en transe. J'ai les deux ce matin. J'ai les deux avec Janet Jackson. Merci en tout cas Alex pour cette proposition. On va poursuivre les amis. Bon réveil à tous, ou bon début de matinée, ou bon milieu de matinée. Je sais pas comment on l'appelle, ça dépend de l'heure à laquelle vous vous levez. Vous êtes sur Fadjet, on est très heureux d'être avec vous ce matin. Vous avez une douzaine de personnes derrière le poste qui vous parlent. Rien que pour vous. Rien que pour vous, si c'est pas délicieux tout ça. Et on va traverser le... Ben j'arrive pas, c'est quoi qu'on traverse pour aller aux États-Unis? L'océan. L'océan, c'est ça, on traverse l'océan. Moi je suis allé à l'océan. Tu traverses le lac de Gérardmer. C'est ça, moi je peux aller à Malzéville, mais après je vais pas trop loin, c'est pas possible. Ou Jarville, grand maximum. Hein, voilà. Et donc on traverse et on va traverser l'océan. Alors juste avant, un petit rappel, jusqu'à 10h, on va vous proposer, si vous aimez jouer en musique, il y aura un petit blind test en fin d'émission. Il y aura aussi un classement des pires fails Zoom. Alors on en profite, là on fait notre émission en visio, mais pour le moment, personne n'a fait de catastrophe. Et il n'y a pas personne qui a une tête de chat ou autre, mais Valentin va nous dire eh ben justement un petit top 5 de certaines personnes qui ont un peu moins bien maîtrisé leur visioconférence. Et puis on parlera également d'une web-série qui est en tournage ici à Nancy avec Élise. On aura le fameux Shabbat d'Alex, donc vous n'entendrez, vous n'écouterez plus jamais les musiques qu'on écoutera dans cette chronique de la même façon. Après, il déforme tout, ça nous déforme le cerveau même. Ouais, donc là, la thématique, c'est le fromage. Donc voilà, tout un programme. On va voir. Mais avant tout ça, on va faire une petite courte de français. Une petite courte. C'est un mélange d'accent. Hein. C'était pas un accent américain. C'était un peu allemand, ça. Un petit peu, j'ai fait un mélange. On fait les forces du français avec Evie. C'était plus belge que américain. C'était pas le souhait n'était pas de faire américain, Evie. Bah oui, bien sûr, on n'y arrivera pas autant que toi, Evie. Vas-y, fais-nous ton petit test là de grammaire qu'on. Hein. Alors oui, on va voir. On va voir si vous pouvez être au niveau de mes étudiants. Alors comme vous le savez, je suis prof de français aux États-Unis et vous tous, je suis allée à l'école de notre très chère République. J'ai appris la grammaire française comme tout le monde et puis comme tout le monde, je l'ai aussitôt oubliée. Je ne m'en souvenais absolument pas. Du coup, il a fallu que je réapprenne toute la grammaire française pour pouvoir l'enseigner à mes étudiants. Le plus facilement possible, sans qu'ils me détestent en fait, parce qu'à chaque fois que je leur explique une nouvelle règle de français, ils me regardent complètement blasé, en secouant la tête comme ça, ils ne veulent pas écouter ce que je leur raconte. Alors, sujet, verbe, complément, circonstanciel, article défini, indéfini, pronom, sémantique, accord, forme verbale, ponctuation, la grammaire française, ça vous gagne en soi. Donc, je vais vous poser quelques questions et vous faire passer un petit test de français pour savoir si vous aussi, vous vous souvenez de toutes ces superbes règles complètement inutiles qu'on doit enseigner aux apprenants de français. Alors, je tiens à préciser que toutes les questions que je vais vous parler aujourd'hui, ce sont des points de grammaire que j'ai enseignés ce semestre à tous mes étudiants de français 4. Donc, un français 4, c'est à peu près l'équivalent d'un niveau d'anglais en terminale, d'accord ? Ça dépend pour qui. Ils sont en... Logique, moyen. Alors, on va commencer. Tiens, François, choisis une catégorie. Est-ce que tu veux parler de mode ? Est-ce que tu veux parler de forme verbale, de pronom relatif ? De mode. Verbe pronominal ou d'adjectif ? Tu veux parler de mode, oui, ouais. C'est ça. Tu es toujours à la mode. Mais, tiens, est-ce que tu peux me dire d'ailleurs ce que c'est un mode ? Oh bah... Je pensais pas qu'il fallait me laisser réfléchir. Là, tu regrettes de pas avoir choisi le verbe. J'ai l'impression d'être devant. J'ai l'impression d'être devant un prof de français en interrogation au CM2. Je sais pas, j'étais pas là. Alors, un mode, c'est une façon d'exprimer une action, en fait. Est-ce que quelqu'un connaît les 5 modes les plus courants? Oh là là. C'est pas direct, indirect, des choses comme ça, non ? Impératif. Alors ça, c'est les objets, ça. Oui, impératif, c'en est un. Indicatif, conditionnel et tout ça. Ouais, alors l'indicatif, c'est le temps pour exprimer des faits. Le subjonctif, c'est un temps pour exprimer la subjectivité. Impératif, c'est pour donner des ordres. Et le conditionnel, pour des hypothèses. Et puis l'infinitif aussi, la forme non conjuguée d'un verbe, c'est un mode aussi. Et oui. Bon, bah, je poserai plus de questions. Vous voyez tout ça? Non, ouais, je déjà lié et on s'en fout. Mais je sais même pas si. C'est ça, j'aurais dû vous prévenir. Mettez-vous votre verre de vin à côté parce que ça va être sympa. Ah, oui. Oui, alors, une petite question. Il y a les modes et puis il y a les temps. Qu'est-ce que c'est un temps par rapport à un mode? Ça, c'est plus facile normalement. Mais le temps, c'est la conjugaison. Oui, voilà, c'est la conjugaison. C'est une indication. Le futur, le passé. Passé, futur ou présent, très bien. Oui. Alors des temps, il y en a beaucoup, surtout à l'indicatif, plus que parfait, passé composé, imparfait, futur proche, futur simple, futur antérieur. Antérieur. Subjonctif, non? Vous prenez des notes? Non, le subjonctif n'est pas un temps. C'est un mode. C'est un mode. t'écoutes pas, Philippe. Tu vas au coin. Bobo la tête, hein, bobo la tête, attention. Parlant du subjonctif, Johan, est-ce que tu peux me dire quels sont les quatre temps du subjonctif? La pression, il ne va pas trouver, il ne va pas trouver, il a deux. Il a eu deux en français la dernière fois. Alors, rien du tout. Alors, le subjonctif passé, il y a le présent. Présent, passé, imparfait, plus que parfait. Imparfait, plus que parfait, non? Oui, c'est ça, exactement. Ding, ding, ding, ding, bien joué, Johan. Donc présent, passé. On a des bruitages dans cette émission. Il a rien dit. Gros budget. Hein. ce sont les deux temps qu'on utilise le plus dans la langue française. Et l'imparfait et le plus que parfait, on les utilise de moins en moins, même pas du tout, parce que c'est un peu des temps qui ont des sons un peu bizarres. Donc, par exemple, la phrase « il faut que François se rase » au subjonctif présent. « Se rasasse ». Passé, « il faut que François se soit rasé ». L'imparfait, « il fallait que François se rasasse ». Oui. Voilà. Et au plus que parfait, « il eût fallu que François se rasasse ». Moi, ouais, j'en ai une, c'est « dès que vous m'apparut, vous me plut et mes patates ». Ah, oui, celle-là, oui, mon grand-père l'a dit souvent. Eh ben, dis donc, j'ai... Oui, il eût fallu que je le suce, oui. Oui, voilà. On est passé de France 3 à Canal+, hein, en deux secondes. Crypté, hein, Canal+, crypté. Hein. Crypté. Est-ce que j'ai le temps pour faire une deuxième catégorie de grammaire française? Non, oui, on va devoir te censurer, là, du coup. Vas-y, de toute façon, on comprend pas. Après, on fera les équations la prochaine fois, hein, en maths. Ah non, je peux pas, je suis super nulle en maths. Hein. Bon, alors, on va faire rapidement les verbes pronominaux et l'accord des verbes pronominaux. Alors, je vous aide direct. Un verbe pronominal, c'est un verbe avec « se » devant. Par exemple, laver, c'est laver quelque chose, mais se laver, c'est pronominal, c'est sur nous-mêmes, on fait l'action sur nous-mêmes. Donc ça, c'est un verbe pronominal. François, ça va? Mais je comprends rien du tout. Je sais même raser, pas. C'est tu peux raser quelqu'un d'autre, et se raser, tu te rases toi-même. J'ai l'impression de même plus être français. Il se dissout complètement. Moi, François. J'ai appris le patois vosgien, c'est tout. Hein, voilà. Alors, j'ai une petite question. Oui. Dans la phrase, François et ouais. Aurélie se sont téléphonés. Est-ce qu'on fait l'accord avec téléphoner? Est-ce qu'on met un S à la fin? Ils se sont téléphonés, c'est être, donc je dirais qu'on accorde. Ouais. Mm-hmm. Et ben non. Bah pourquoi? C'était un piège. Et ben non. On ne fait pas l'accord parce que le verbe téléphoner, ce n'est pas juste téléphoner, c'est téléphoner à. Il faut un objet indirect derrière. Ah non, oui, là, c'est bon, aussi, quoi. C'est pour nous piéger le samedi matin, c'est bon. Voilà, quoi. Exactement. Johan, je ne dirais pas mieux moi-même, les règles à la con. Donc, ce que vous êtes en train de vivre là, c'est exactement ce que mes étudiants sont en train de vivre aussi en cours. En France, on les a totalement oubliés aussi, donc ça sert à rien de leur apprendre aux États-Unis. Ils peuvent pas l'utiliser. Exactement. Ça fait quand même partie du programme et t'es obligé de leur apprendre ce genre de règles-là. Moi, c'est incroyable. Ah oui, regarde, j'ai un super livre que je peux te montrer. Ça s'appelle Réseau avec la... Ouais. C'est très radiophonique ce que tu fais. Non, mais, et donc, c'est un bouquin, d'accord. Bon, bah écoute, ça nous rappelle à nous-mêmes de... Enfants, on apprenait beaucoup ce genre de facilité quand deux vers se suivent, le deuxième semaine infinitif. Le complément, le participe passé s'accorde quand le complément d'objet, quand c'est avec le verbe avoir, il s'accorde avec le complément d'objet. On apprenait plein de petites choses comme ça pour nous permettre justement d'évoluer dans. Bah nous aussi, mais on les a oubliées. Oui, mais Joss, toi, c'était la révolution, il n'y avait rien d'autre à faire. Oui. Hein. D'actualité, je n'y arrive pas, mais mes règles françaises, je les ai retenues. Ah bah d'accord. Mm-hmm. Bon bah, et oui. Bah, merci. Et je pense que aujourd'hui il y a pas beaucoup d'étudiants en France qui peuvent écrire une lettre de motivation ou un CV sans faire de faute de français. Et alors encore des trucs horribles. Alors, et désolé pour tous ceux qui nous écoutent, mais effectivement les nouvelles générations. Ah non, c'est une catastrophe. Vraiment. Ouais. C'est une catastrophe. Allez, ça pique les yeux. Ah ouais, ça pique vraiment les yeux quoi. Et tout de suite on écoute Weshden. Voilà, c'est ça. Elle ira très bien avec. Un petit Joule. Ouais. C'est exactement ça. Merci à toi, Alex. Pour la transition est parfaite. Ensemble. Fadjet, presque ensemble. Et bien justement, voilà, la transition est parfaite avec toi, Alex. D'ailleurs, tu vas nous faire ton petit Shabbat d'Alex. Merci encore, Evie. Et tu vas nous faire ton petit Shabbat d'Alex habituel. Ton petit fromage du samedi matin. Fromage. Alors, attention, je vais essayer de me caler au mieux du mieux. Hein. Faut que je reprenne les fiches parce qu'il faut savoir que c'est le seul qui envoie un truc où il y a 5 pages. Hein. Pas se tromper à la seconde près. Donc, je m'organise. C'est parti. Nous sommes le samedi 27 mars, date très particulière pour la chanson puisqu'il s'agit de la Journée nationale du fromage qui a été créée en 2001. Vous me direz que le fromage est un thème qui n'inspire pas le romantisme ni la désillusion d'un amour impossible. Vous ajouterez peut-être même qu'il est très peu probable de trouver du fromage dans la chanson française. Odo Minster, non, il y a pas. Yaourt à la rigueur. Yaourt, ouais. Ce que bon nombre d'entre vous aiment faire en écoutant la radio. Aujourd'hui, je vais donc vous faire écouter une sélection de titres que vous connaissez peut-être déjà et qui mentionnent quelques variétés de fromages. Ouvrons tout de suite notre cloche à fromage musical. Le premier morceau est daté de 1957. Papa, c'est un jardin extraordinaire. Il y a des oiseaux qui tiennent un buffet. Ils vendent du grain, des petits morceaux de gruyère. Comme clients, ils ont monsieur le maire et le sous-préfet. Sois prudent, prends bien garde au fromage. Son camembert a eu le retour d'âge. Avant de l'approcher, je te jure que t'hésites. Ou alors c'est que t'as de la sinusite. Au Dorvoyau, le patron s'appelle Bruno. On est rentré. Les confitures et les cornichons. Et le donjon des ménagères, avec son cœur de camembert, qui marche tout seul, qui marche tout seul, qui marche tout seul quand on s'en sert. Il est sympa et attirant. Mais méfiez-vous, c'est un truand. Dans cette première partie, vous avez entendu Charles Trenet, Pierre Perret, Nino Ferrer et Jacques Dutronc. Continuons notre dégustation musicale fromagère au petit déjeuner, pourquoi pas, à partir des années 90. C'est frise à la Bastille. C'est ça la France. Du chili dans les gamelles et du vin dans les bidons. Je crois que je ne t'aime plus. Elle a jeté ça hier. Entre le fromage et le dessert. Comme mon cadavre à la mer. Arrêtons là. La la la. La la la la la la. Si votre officier vous disait de gruyère. Mais malheureusement il ne reste que les trous. Ne supposez pas qu'il fût de la cafetière. Et les azous, il les azous. Y a des azous dans mon quartier. Moi je suis déjà à moitié. Un de ces jours ça vous prendra. Cette sélection était composée de Pauline Esther, Marc Lavoine, Cali et Brigitte Fontaine en duo avec M en 2001 pour Y'a des azous. Je sais que vous êtes friand d'hallucinations auditives, n'est-ce pas ? Oui, on adore. Oui. Oui. J'en ai trouvé une petite avec une fine croûte de mauvaise foi au sein de la chanson Bad de Michael Jackson. C'est la fourme d'Ambert, ah. Ambert, non? Camembert. Alors, oui, tu l'as Camembert, trouvé. Camembert, Aurélie, oui. Camembert. Ah, j'ai cru fourme d'Ambert. Ouais. Le lien avec le thème Camembert, du Camembert, Camembert. La fourme d'Ambert, la fourme d'Ambert. Pour ça, c'est ceux qui nous rejoignent sur Fadjet. Oui, c'est oui. Ça. Excuse-nous, ça nous fait délirer complètement tes chroniques. Donc, c'est du Camembert. Camembert. C'est parti, on réécoute. On a la suite, c'est ça? Oui, on réécoute. Vas-y, remets le refrain. On réécoute. Et dit même du camembert en berge, j'en mange. Oui, j'ai voilà. Pas la suite, mais. Et grâce à ces chroniques, Aurélie a affiné son oreille. Ah, tu as détourné mon cerveau mon canal auditif. Fais-moi qu'elle travaille le sujet, quand même. et justement, Aurélie, je suis content que tu réagisses, puisque tu m'as donné un défi lors de la dernière émission, t'en souviens-tu? Oui, parce que le matin même, j'avais entendu une chanson. Qui était d'une certaine artiste, et les débuts j'ai cru que c'était une autre artiste, donc ça m'a fait penser effectivement à tes petits retournements d'émission. Et donc tu as trouvé. Et oui, et c'est confirmé. Donc la chanson dont tu parlais, c'était une chanson de Pink qui s'intitule Cover Me in Sunshine. Alors attends, parce que je la cherche, hein. c'est l'avant-dernier. Ah oui, pardon, oui, on en a sauté un, c'est mon habitude. Ah, c'est une chanson, j'adore. I've been dreaming, friendly faces. I've got so much time to kill. J'ai rien entendu. Le tout début, okay. Le tout début, attends, ça se fait penser à quelqu'un d'autre. Attends, on repasse un coup pour voir. I've been dreaming. Les premières notes. Moi j'ai cru que c'était un autre artiste, une autre chanson. Ouais. J'arrive pas à me la faire. Est-ce que vous avez une idée? Moi aussi, je pense à la chanteuse qui a fait le film et qui faisait la série. Ah oui, oui, bah oui. Pardon. Je cherche Corinne Lazzaro. Carla Bruni. Non, c'est une américaine. Richard Gottener. Une américaine dans la série où son père. Oh, son père est mort. Le trou de mémoire. Le trou de mémoire, c'est un film. C'est ça la série, c'est le trou de mémoire. C'est bien trouvé, c'est vu que tu ne trouves pas. C'est un film. C'est un film un peu olé olé, le trou de mémoire. Fou, d'autres. Est-ce alors, que les autres ont une idée? Aurélie, tu l'as toi, non? Non, non. Mais non, bah si, c'est elle. Mais c'est pas ça la réponse. Mais oui, alors l'artiste est masculin et français. Cabrel. Bah, moi je peux. Oui. Francis Cabrel. C'est Isabelle qui l'a trouvé, c'est ça? Non, c'est oui, Isabelle avant Evie, ouais. Oui, c'est Isabelle. Bravo Isabelle. Et la chanson c'est bah je l'ai choisi. J'aime à mourir. Oui, bravo, on l'écoute. Ah. Ah bah oui. Moi je n'étais rien et voilà qu'aujourd'hui, je suis le gardien du sommeil de ces nuits, je l'aime à mourir. Quel est le lien avec mon thème du jour? Le fromage. Bien, oui. Tout simplement, si ces deux introductions de chansons se ressemblent, on ne va pas en faire tout un fromage. C'est sur ces belles paroles. Je vous souhaite un agréable samedi. Oui, je sais, j'ai beaucoup d'humour. En écoutant Fadjet, tout en dégustant du fromage, presque ensemble, à très vite. Ah, bravo. J'ai retrouvé mes amis, je parlais de Miley Cyrus. Miley Cyrus, ok. Miley Cyrus ou Sirius? Sirius, c'est l'autre. A écouté quelques chansons de Miley Cyrus, surtout quand elle a fait le film Hannah Montana. Ah bon? Bienvenue. Tu verras, le début de la chanson, c'est. La même chose. Eh ben, défi pour le mois prochain, allez, Alex. Ben voilà, pour le mois prochain, il faudra mettre Miley Cyrus. C'était avant qu'elle s'accroche sur une boule de démolition. Oui, voilà. C'est ça. Elle était encore petite fille modèle dans Hannah Montana. Avant qu'elle montre à peu près tout de son corps. C'est quand dans ses chansons. Oui, évidemment, quelqu'un qui Alex, veut dire quelque chose. Alex, je suis déçue parce que t'as oublié une chanson quand même assez classique dans la langue française, le régiment de fromage blanc qui déclare la guerre au camembert. C'est quoi ça? Ah oui, n'a pas voulu parce que je n'en ai pas pensé. C'est quoi? Ben voilà. Donnez voir le. C'est une chanson de Colo que les jeunes chantent dans les bus. Ah bon? Ah ben non, j'ai déçu. Eh oui. Eh ben, ben voilà. On va quand même écouter un titre. Pour la prochaine fois, t'as du boulot, Alex. Hein. Oui, c'est ça, t'as du taf. Là, on est tous, voilà, on est tous au taquet. Hein. Et d'ailleurs, je pense que les auditeurs aussi. On va écouter un titre un peu de lover, quand même. Il faut le dire, des lovers de bec à sable, un peu comme moi. Qui bah, on a écouté le début, ça a donné envie un peu à tout le monde de l'entendre. Donc, on va l'écouter en entier. Embrassons-nous les uns les autres. Allez, c'est reparti pour un petit Cabrel. Moi, je n'étais rien, et voilà qu'aujourd'hui. Je suis le gardien du sommeil de ces nuits, je l'aime mourir. Vous pouvez détruire tout ce qu'il vous plaira, elle n'a qu'à ouvrir l'espace de ses bras pour tout reconstruire, pour tout reconstruire, je l'aime mourir. Elle a gommé les chiffres des horloges du quartier, elle a fait de ma vie des cocottes en papier, des éclats de rire. Elle a bâti des ponts entre nous et le ciel, et nous les traversons à chaque fois qu'elle ne veut pas dormir, ne veut pas dormir, je l'aime à mourir. Elle a dû faire toutes les guerres pour être si forte aujourd'hui. Elle a dû faire toutes les guerres de la vie et l'amour aussi. Elle vit de son mieux son rêve d'opaline, elle danse au milieu des forêts qu'elle dessine, je l'aime mourir. Elle porte des rubans qu'elle laisse s'envoler, elle me chante souvent que j'ai tort d'essayer de les retenir, je l'aime mourir. Pour monter dans sa grotte cachée sous les toits, je dois clouer des notes à mes sabots de bois, je l'aime mourir. Je dois juste m'asseoir, je ne dois pas parler, je ne dois rien vouloir, je dois juste essayer de lui appartenir, je l'aime mourir. Elle a dû faire toutes les guerres pour être si forte aujourd'hui, elle a dû faire toutes les guerres de la vie et l'amour aussi. Moi je n'étais rien, voilà qu'aujourd'hui je suis le gardien du sommeil de ces nuits, je l'aime mourir. Vous pouvez détruire tout ce qui vous plaira, il n'aura qu'à ouvrir l'espace de ses bras pour tout reconstruire. Tout allez, reconstruire. Tout le monde chante. Allez, tout le monde chante. Je l'aime mourir. Je l'aime à mourir. Rien à chanter. Oh là là, on la connaît tous par cœur. Hein. C'est quand même un des grands classiques de la chanson française. C'était Francis Cabrel sur Fadjet. Ensemble. Fadjet, presque ensemble. Ensemble. Oh, je suis content, moi. Hein, voilà. Je suis bah, c'est content. Bien. Comme dans le film de. C'était lequel film où il était content, il vomissait. Oui, bah écoute, si tu peux te retenir. C'est de la peur. Je vais me retenir, c'est bon. Wow. Quoique, on arrive à la fin. On arrive à la fin de l'émission, tu peux y aller, on va le temps partir. Bon, bah c'est bon, voilà. Bon, allez, continuons. Tout les temps. Amis, on donne la parole à qui tout de suite maintenant? Alors, pour terminer cette émission, vous le rappelle, il y aura un petit blind test sur des musiques de films tout à l'heure avec Jérôme. On va aussi faire un petit classement des pires fails Zoom avec Valentin. Mm-hmm. Mais tout de suite, on vous parle. Et peut-être que vous avez remarqué des acteurs, d'un plateau quelque part dans Nancy. Ben c'est normal, ouais. Il y a un petit tournage qui se passe en ce moment. Ça s'appelle Le Visiteur du Futur. C'est une web série. Et Élise, tu vas nous en dire un peu plus. Tu es allée faire un tour d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Alors avant de vous parler du tournage, je vais déjà vous parler un peu de la web série. Parce que je ne sais pas si autour de la table virtuelle, là, est-ce que quelqu'un connaît cette web série? Moi, je l'ai connu par des amis d'ailleurs qui jouent sur cette série là, qui ont des rôles de figurants ou des petits rôles sur cette série. Ah, c'est cool, ils ont de la chance, j'ai pas été prise. Ah mince. Voilà, petite déception, mais c'est pas grave, je vais m'en remettre. Donc voilà, donc on va parler science-fiction tout de suite, puisque donc c'est une web série qui a commencé avec un délire de potes en fait en 2009 sur Dailymotion, donc voilà, ça ne rajeunit pas en 2009. Et donc en fait cette web série a pris de plus en plus d'ampleur puisque bah en ce moment même, comme je l'ai dit, donc un film est en train de se tourner. Alors le Visiteur du Futur, qu'est-ce que c'est? Eh bien je vais vous raconter un peu l'histoire, le tout début de la la saison 1, l'histoire de départ est centrée sur la vie de Raph, un jeune homme sans histoire qui rencontre un homme très bizarre, toujours le visage un peu ensanglanté, et qui prétend venir du futur pour tenter d'empêcher la fin du monde. Alors c'était au début plutôt des petits sketchs, des épisodes qui ne duraient pas plus de 3 minutes, mais ça augmente un peu avec des épisodes qui varient entre 10 et 15 minutes. On a un peu une répétition du speech avec Raph qui va faire un truc, l'étrange viseur du futur apparaît, lui dit « Non, surtout, ne fais pas ça, sinon voilà ce qui va se passer !» Je joue très bien. Oui, c'est vrai. C'est... On avait déjà remarqué tes talents d'actrice à Noël. Oui. Oh. Dans les contes. Voilà, c'est pour ça que je voulais être figurante. Tant pis. Et là, donc, voilà, il raconte toute une histoire d'événements qui vont s'enchaîner car Raph aura mangé une pizza ou bu une bière et ça va créer tout plein d'événements, dont la fin du monde. Donc voilà, on pourrait croire que c'est juste des petits sketchs comme ça, d'épisode en épisode, mais en fait, non, il y a toute une histoire qui est développée avec une brigade temporelle qui poursuit le visiteur du futur car il modifie le cours du temps. Donc on a un futur qui est bien moche dans l'avenir en 2099, par exemple, avec de la pluie d'acide et des zombies aussi. On a des personnages attachants à part ça, sinon à commencer par les principaux, hein, Raph et le visiteur. Donc le pauvre Raph, joué par Raphaël Descrac, donc qui n'a vraiment pas une vie simple, hein, depuis que le visiteur a débarqué chez lui. Le visiteur, dont on ignore beaucoup, pendant longtemps le nom, nous fait bien rire par contre. Donc il est joué par Florent Dorin, qui est acteur, et chanteur. Donc, on rencontre des chouettes personnages comme le docteur Henri Castafol, qui est joué par Slimane Baptiste Beroun, donc qui est un très bon compagnon du visiteur. Donc, il ne faut pas lui dire, faut pas lui faire comprendre qu'il est un robot, parce que sinon il se désactive et puis il faut le reformater, tout ça, c'est embêtant. Mais c'est un peu le seul ami du visiteur. Et on a également Judith et Mathéo de la Brigade Temporelle, qui est un duo excellent et qui sont interprétés par Justine Lepotier et Mathieu Poggi. Donc bref, voilà. Donc François Descrac, qui est le créateur de cette série, a créé tout un univers fort intéressant. Et plus on avance dans les saisons, et plus l'équipe a les moyens. Donc tu as des costumes qui sont améliorés, le matériel aussi pour filmer. La saison 4, c'est un peu comme des petits films à chaque épisode. Et donc de Dailymotion, la web série est passée à un autre format, la télévision, qui est d'abord sur la chaîne No Life, hein, qui n'existe plus depuis 2018, je crois, 2019, je ne sais plus exactement. Ouais. Et ensuite sur France 4, donc à partir de 2014, c'est d'ailleurs sur France 4 que j'ai découvert cette série. Et donc le visiteur du futur comporte 4 saisons, ça va vite à regarder, hein, on peut regarder en une après-midi. Et la 4e saison est sortie donc en 2014, et depuis ça, eh bien, les fans attendent la suite, hein. On a eu droit quand même à un livre, La Meute, qui revient sur la jeunesse du visiteur. Donc il est vraiment d'ailleurs super ce livre, je vous le conseille. Il y a aussi des BD et mangas sur la brigade temporelle, mais voilà, toujours pas de suite de la série. Et ça y est, c'est enfin... en cours, hein, puisque il y a sous la forme d'un film un projet donc qui sortira normalement au cinéma, on l'espère, en 2022. Hein, on projette plus rien, hein, maintenant, au sens large comme au sens figuré. Et le tournage aurait dû normalement commencer en 2020, mais Covid oblige, eh bien, il a été repoussé et se déroule en ce moment même jusqu'à fin avril ici à Nancy, à Metz aussi et aux alentours. Alors pourquoi avoir choisi la région Grand Est pour tourner ? Eh bien parce que il y a beaucoup d'usines désaffectées qui sont parfaites pour planter un décor post-apocalyptique. Et il y a eu une vraie collaboration entre la région Grand Est et l'équipe du film pour trouver des décors. Par exemple, donc, lundi dernier, j'étais sur le lieu du tournage dans la rue Louis Braille, plus précisément dans Nancy. Je ne sais pas si vous la situez bien, cette rue. C'est près de Malzéville. Non, je crois que... C'est entre Malzéville et Vendeuvre. Voilà, c'est pas si loin. Je vois pas trop. Moi non plus. Je saurais pas vraiment vous l'indiquer parce que. C'est pas grave. Il y a des entrepôts, il y a des trucs. Mais voilà, c'est pas très loin du centre-ville. Et donc, du coup, ils étaient dans cette rue pour tourner une scène avec un nouveau personnage, Alice. Ils ont aussi tourné des scènes à l'hôpital central de Nancy. Donc voilà, donc pour voir ce film, il n'y aura pas besoin d'avoir vu forcément la web-série, ni les livres, BD et manga. Et d'ailleurs, j'avais discuté avec une dame qui disait qu'elle allait regarder le film, parce qu'elle était dans la rue à ce moment-là quand c'était tourné. Elle a dit qu'elle allait regarder le film, même si elle ne connaissait pas. Mais rien que pour voir les 3 secondes de sa rue, parce que voilà, c'est quand même, c'est pas tous les jours qu'on vient tourner un film dans ta rue. Et donc je termine ma chronique en vous livrant le synopsis du film quand même. Donc le voici. Alice, c'est une jeune fille qui s'oppose à la construction d'une centrale nucléaire initiée par son père député. C'est alors qu'un étrange visiteur les emmène en 2555, un futur dévasté par l'explosion de la centrale. Pour le visiteur, la mort du député est la solution la plus simple pour éviter la catastrophe, mais le temps presse. Une police du futur les traque afin d'empêcher toute modification temporelle. Alice devra réussir l'impossible, sauver son père et sauver le monde. Donc voilà, tout un programme que l'on espère voir en salle en 2022. Merci Élise. Bon c'est dommage, t'as pas pu faire de figure dessus. Non mais ça sera pour une prochaine. Il y a beaucoup de projets qui se tournent, en tout cas sur le Grand Est. Allez, ouais. On va écouter Francis Cabrel, Je l'aime à mourir. arrête François. Je suis passionné, que veux-tu. On va poursuivre cette émission. C'est bientôt la fin, donc. Oui, faut aller vite. Hein. Donc merci encore une fois, Élise, pour toutes ces infos, et donc les Nancéens et autres qui se baladent à Nancy seront informés s'ils voient des petits plateaux de tournage. Il faudra aller voir ce film pour notamment voir peut-être des rues qu'on connaît, des endroits et puis des figurants aussi du coin, donc il y a peut-être un collègue, un ancien pote du lycée ou des gens qui vont tourner. Ouais, il y a beaucoup de monde. La rue Louis Braille ? Comment madame ? C'était la rue Louis Braille ? Oui, c'est ça. C'est ça. Et l'impasse de la Pépinière près de la rue de Butenimont. Ah bah voilà, au moins l'impasse de la Pépinière, ça nous dit quelque chose. Merci. Du coup je vois mieux. Voilà. Merci Josmap. Très bien. Voilà. Merci. C'est juste à côté. On va poursuivre cette émission avec quelqu'un qui n'est malheureusement pas avec nous cette fois-ci, enfin qui est là mais à distance. C'est Valentin. Eh bien oui Aurélie, comme nous dans Fadjet Presque Ensemble, nous communiquons à distance grâce à l'application Zoom. Mais vous allez voir que Zoom a aussi ses dérapages et vous allez voir qu'on peut se faire avoir de temps en temps. Alors je vous propose un classement des 5 pires fails des réunions Zoom depuis que le coronavirus est apparu. Numéro 1, l'affaire du chaton avocat. L'avocat texan Rod Ponton s'est retrouvé piégé le temps d'une réunion Zoom dans le corps d'un chat aux yeux tristes. Je suis en live, je ne suis pas un chat, a-t-il précisé au juge et aux deux autres avocats qui tentent évidemment de conserver leur sérieux. Malgré leurs efforts et ceux de son assistance, impossible de se débarrasser du filtre. La vidéo a été postée sur YouTube, a été vue plus de 7 millions de fois en plus de 24 heures. Numéro 2, le bisou de trop. Eh bien, sachez qu'un député argentin a embrassé le sein de sa femme en pleine visioconférence. Première question, qu'est-ce que fiche un député avec sa femme sur les genoux en pleine session parlementaire? Deuxième question, qu'est-ce qui lui a pris de lui embrasser les seins? La scène est totalement surréaliste, mais il y a au moins un truc qui se passe bien dans toute cette situation, dans toute cette histoire, c'est que le gars a été suspendu. Numéro 3, la pause pipi. Alors qu'elle était en pleine visio avec ses collègues, une femme s'est déplacée dans son appartement, écoutez bien, pour se rendre aux toilettes, oubliant totalement que sa caméra était activée. La pauvre s'est filmée sur son trône alors que les autres participants étaient en train de se marrer sur Zoom pendant la visioconférence, comme si c'était déjà pas humiliant. La vidéo a fait des millions de vues sur internet et nous en rajoute une couche, mais bon, personne ne la reconnaîtra dans la rue de toute façon. Numéro 4, l'incruste de l'année. Souvenez-vous, en novembre dernier, les ministres de la Défense de l'Union Européenne ont tenu une visioconférence confidentielle entre eux. Le truc très sérieux quoi. Et ça n'a pas empêché un journaliste néerlandais d'entrer tranquillement dans la conférence. Il a pu la trouver grâce à un membre de l'équipe du ministre de la Défense du Pays-Bas qui avait publié une photo sur Twitter où l'on pouvait distinguer les chiffres du code d'accès du salon Zoom. Et on termine avec la dernière, le numéro 5, le slip party. Après le maire et le ministre roumain, c'est le tour d'un député européen. Là, c'est le député irlandais Luke Flanagan qui participait à une visioconférence avec le commissaire de la commission d'agriculture. Autant dire que c'est du sérieux. Mais Flanagan n'a pas capté que le champ de sa caméra écoutait bien, était un peu trop sur ce qu'on voyait très bien, qu'il était en slip, et oui. Et en même temps, quelle idée de se filmer à la verticale, c'est une grosse erreur de débutant, ça. Voilà pour le classement de ces pires fails. Faites attention à la prochaine fois. Merci à toi, Valentin. Mon prénom à moi, c'est pas Aurélie, bien évidemment. Merci Aurélie. Faites petite erreur. Ensemble. Fadjet, presque ensemble. Ça peut prêter à confusion, hein. J'ai la voix qui est un petit peu aiguë, je comprends que ça soit... J'ai la voix grave, dis que j'ai une voix de mec. Voilà, c'est toi ou la mienne, on sait pas. On arrive tout doucement à la fin de l'émission. C'est qui l'heure de se quitter ? Jérôme, on devait faire Jérôme, désolé. Est-ce qu'on le garde pour le mois prochain ? Pour le mois prochain. On le garde au chaud pour la prochaine fois. C'est déjà prêt comme ça. Voilà, il est déjà prêt pour le mois prochain, les amis. On va finir, toujours, avec ce petit générique de fin, oui, c'est sûr. On vous remercie en tout cas. Déjà, on peut remercier aussi nos chroniqueurs d'avoir participé. Mais oui, merci Joss, merci Isabelle, merci Valentin, Jérôme, Alex, Philippe, Johan, Evie, Élise et Pierre, notre belle team du mois de mars pour Fadjet presque ensemble, tous à distance depuis chez eux et même certains depuis très très très loin aux USA. Et ben c'est ça aussi maintenant la magie des nouveaux outils numériques, ça nous permet de faire des émissions et ben à 10, 12. 15, 20 la prochaine fois. On prendra le samedi matin s'il le faut, si on est très nombreux. Mais voilà, convivialité, du partage, des échanges, de l'information, de la bonne humeur, c'est tout ça, Fadjet. On espère en tout cas pour vous tous, ici. Tout est dit. Dans les écrans. On se retrouve le mois prochain. Restez à l'écoute de Fadjet, tout le week-end, toute la semaine, tout le temps. Allez, à bientôt. Ciao, ciao. Bisous, bisous, bon week-end. Bye. Bye.